السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc ceci est le troisième cours dans l'explication de cette conférence de Cheikh Ben Baz rahimahullah sur le dogme des gens de la Sunna et de la Jama'a. Et donc nous étions arrêtés à la parole de l'auteur, ou plutôt nous reprenons aujourd'hui à partir de la parole de l'auteur lorsqu'il dit فهذه العبادة التي خلقوا لها قد أمروا بها وبينت لهم في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبعث الله بها الرسل جميعا. Donc Cheikh nous dit, cette adoration pour laquelle ils ont été créés et qui leur a été ordonnée, elle leur a été expliquée dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé avec cette adoration tous les prophètes et messagers. وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Et le dernier de ces messagers et de ces prophètes et le meilleur d'entre eux et leur imam, leur guide, est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. بعث لذلك, il a été envoyé pour cela. بعثه الله يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده والإخلاص له. Allah l'a envoyé afin d'inviter les gens et d'appeler les gens à l'adoration d'Allah et à son unicité et à lui vouer un culte exclusif. وَمَكَثَ فِي مَكَّةَ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يَدْعُ النَّاسَ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَطَاعَةِ اللَّهِ. Et il est resté à la Mecque pendant 13 ans à appeler les gens à l'unicité d'Allah et à l'obéissance d'Allah. يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنْ يَخْلَعُوا عِبَادَةَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Il les appelait à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et à délaisser l'adoration d'autres que lui, parmi les idoles, les statues, les anges, les prophètes et autres. Yaqul, ya qawmi qulu la ilaha illallah tuflihu. Il disait aux gens, ô mon peuple, dites la ilaha illallah et vous réussirez. Dites que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et vous réussirez. فأجابه الأقل وأنكر دعوته الأكثرون. Et donc peu ont répondu à son appel et la majorité ont refusé ce à quoi il les appelait. Avant de recevoir la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah dans la grotte de Hira à la Mecque. Il adorait Allah dans cette grotte pendant plusieurs nuits jusqu'à ce que lui vint la vérité. Alors qu'il était dans cette grotte, et il avait alors 40 ans, l'ange Jibril, Gabriel, alayhi salam, que la paix soit sur lui, lui est venu alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la grotte, et il lui a révélé ce qu'Allah lui avait ordonné, qui sont les 5 premiers versets de la sourate La Plume, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq » اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc ce sont les premiers versets qui ont été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'ange Gabriel dans la grotte de Hira. Donc je disais qu'il y a dans un hadith rapporté par le Bukhari dans son recueil authentique qui nous explique cet événement du début de la révélation. Selon Aïcha radiallahu anha, elle disait: la révélation a commencé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par les rêves pieux qu'il faisait durant le sommeil. Il ne voyait rien en rêve sans que ceci n'apparaisse clairement et n'arrive clairement, telle la lumière de l'aube. Puis il aimait l'isolement. Il s'isolait dans la grotte de Hira, dans laquelle il adorait Allah subhanahu wa ta'ala pendant plusieurs nuits, avant de revenir vers sa famille pour reprendre des provisions pour repartir. Il retournait vers Khadija radiallahu anha pour reprendre des provisions. Jusqu'à ce que la vérité lui vint, alors qu'il était dans la grotte de Hira, l'ange lui est venu et lui a dit: « Lis !» Alors il a dit: « Je ne sais pas lire. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: « Alors cet ange m'a pris dans ses bras et m'a serré jusqu'à épuiser toutes mes forces. Puis il m'a relâché. » Et il m'a dit: « Lis !» Alors je lui ai répondu que je ne sais pas lire. Alors il m'a repris une deuxième fois. Et il m'a serré jusqu'à épuiser mes forces. Puis il m'a relâché. Et il m'a dit « Dis !» Il m'a dit « Lis !» Je lui ai répondu « Je ne sais pas lire. » Alors il m'a repris et il m'a resserré contre lui une troisième fois. Puis il m'a lâché et il a dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. » خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم jusque donc yani la fin des cinq premiers versets. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam est revenu vers Khadija alors que son cœur tremblait, et il est rentré donc voir Khadija radiallahu anha et lui a dit: enveloppez-moi. Alors ils l'ont enveloppé jusqu'à ce que sa peur s'estompe. Puis il a dit à Khadija, il a raconté à Khadija ce qui s'était passé. Il lui a dit: je crains fortement pour moi-même. Alors Khadija radiallahu anha lui a dit: non, par Allah, Allah ne t'humiliera pas. Allah ne t'humiliera jamais. Certes, tu gardes le lien de parenté et où tu t'occupes de celui qui ne peut pas se charger de lui-même, et tu aides l'indigent et tu honores l'invité et tu aides dans la vérité. Puis Khadija radiallahu anha a emmené le prophète sallallahu alayhi wa sallam voir Waraqa ibn Nawfal, qui était le cousin de Khadija radiallahu anha. Et c'était un homme qui s'était converti au christianisme à l'époque pré-islamique. Et il écrivait l'hébreu. Il écrivait l'évangile en hébreu, selon ce qu'Allah lui permettait d'écrire. Et c'était un vieillard âgé qui avait perdu la vue. Alors Khadija radiallahu anha lui a dit: ô cousin, écoute la parole de ton cousin. Alors Waraqa a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô cousin, qu'est-ce que tu as vu? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé de ce qu'il avait vu. Puis Waraqa lui a répondu: ceci, cette chose que tu as vu, c'est le confident secret. C'est le confident qu'Allah a fait descendre sur Moussa alayhi salam. Malheur à moi si je pouvais être un jeune, et malheur à moi si je pouvais être vivant au moment où ton peuple te chassera. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: vont-ils me chasser? Alors Waraqa lui a répondu: oui. Aucun homme n'est venu avec le même message avec lequel tu es venu sans qu'il n'ait été pris comme ennemi. Si jamais je suis encore là le jour où tu seras chassé, certes je te soutiendrai fortement. Mais peu de temps après, Waraqa mourut. Donc après cet épisode, c'est ainsi que se termine le hadith dans le Bukhari. Après cela, la révélation s'est interrompue. Et elle s'est interrompue pendant 3 ans. Pendant 3 ans après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas reçu de révélation. Jusqu'à ce que lui soit révélé le début de la sourate Al-Muddathir. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: Ya ayyuha al-Muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fa'kabbir, wa thiyabaka fa'tahhir. C'est-à-dire, dans la traduction rapprochée du sens des versets: ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi. Et lorsque ces versets ont été révélés au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il s'est lancé dans la da'wa avec ferveur, et il s'est levé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est resté pendant 3 ans à appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala en secret. Puis lui a été révélé le verset Fasda' bima tu'mar. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Donc il lui a été révélé le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, dans la traduction rapprochée du sens, expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. À ce moment-là, lorsque ce verset lui a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché en public et il a exposé clairement l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne craignant par là le blâme d'aucun blâmeur. Il a appelé à la religion d'Allah jour et nuit, en secret et en public. Et des hommes de chaque tribu ont répondu à son appel. Les gens entraient dans la religion d'Allah un par un. Et à ce moment-là, les associateurs de Quraysh, les polythéistes, ne réfutaient pas cela et n'interdisaient pas cela. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à citer les défauts de leur religion, et de la religion des polythéistes, et à critiquer leur divinité en disant qu'elles ne sont ni nuisibles ni profitables. Et c'est alors qu'ils se sont déchaînés. C'est alors que les polythéistes de Quraysh se sont déchaînés sur le prophète et sur ses compagnons. Ils ont exagéré en leur faisant du mal, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala autorise aux musulmans d'émigrer vers l'Abyssinie. Et c'est alors que certains musulmans ont émigré en Abyssinie, et ce fut la première émigration. Et ils sont restés dans cette contrée auprès du roi Najashi, le Négus, qui les a préservés et protégés. Puis les musulmans qui étaient en Abyssinie, il leur est parvenu que les Quraychites s'étaient convertis à l'islam. Alors ils sont revenus à la Mecque, mais l'information qui leur avait été rapportée n'était pas authentique. Ils ont trouvé la situation pire qu'elle ne l'était auparavant. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a permis d'émigrer une deuxième fois en Abyssinie, alors que lui, il continuait avec engouement et avec fierté, il continuait à faire la da'wa. Puis son oncle, Hamza, s'est converti à l'islam, de même que Omar ibn al-Khattab et beaucoup d'autres personnes. Et l'islam a commencé à se propager à la Mecque. Et donc lorsque les Quraychites, polythéistes, ont vu cela, et ont vu que l'affaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en train de prendre du poids, ils se sont unis pour boycotter la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les Bani Hashim, les fils de Hashim et les fils d'Al-Muttalib. Ils se sont réunis, les polythéistes se sont réunis pour boycotter Bani Hashim, les enfants de Hashim et les enfants de Muttalib, en ne faisant aucun commerce avec eux, et en ne se mariant pas avec eux, et en ne leur parlant pas, et en ne s'asseyant pas avec eux, jusqu'à ce qu'ils leur livrent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont écrit cela sur des feuillets qu'ils ont accrochés à la Kaaba. Et c'est alors que les enfants de Hashim et les enfants de Muttalib, mis à part Abu Lahab, qui était avec les mouchriquines, qui était avec les associateurs et les polythéistes. Donc, mis à part Abu Lahab, les enfants de Hashim et les enfants de Muttalib se sont réunis ou se sont retrouvés tous dans la vallée de Abu Talib, à l'extérieur de la Mecque, avec le messager d'Allah. Et ils n'ont cessé d'être mis à l'écart et mis en quarantaine dans cette vallée pendant 3 ans, pendant lesquels les épreuves et les difficultés ont augmenté et se sont endurcies. Jusqu'au jour où quelques hommes de Quraysh, parmi les mouchriquines, parmi les polythéistes, ont décidé d'aller annuler ce qui était écrit dans ces feuillets, annuler ce boycott. Et ils ont voulu donc aller pour déchirer ces feuillets. Et lorsqu'ils sont entrés dans la Kaaba pour déchirer ces feuillets, ils ont trouvé qu'une termite avait mangé tout ce qu'il y avait dans ces feuillets comme rupture des liens de parenté avec Bani Hashim et Bani al-Muttalib. Il ne restait que le nom d'Allah. Et ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé avant même qu'il ne rentre dans la Kaaba pour détruire ces feuillets. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son oncle Abu Talib et les gens et ses proches parmi les Bani Hashim et les Bani al-Muttalib, c'est ainsi qu'ils sont sortis de cette mise en quarantaine et qu'ils sont revenus dans leur maison à la Mecque, à l'intérieur de la Mecque. Et ceci a eu lieu en l'an 10 de la révélation, 10 ans après le début de la révélation, et dans cette même année qui a été appelée par la suite l'année de la tristesse, Am al-Huzn, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est décédée, Khadija radiallahu anha, ainsi que son oncle Abu Talib, qui avait protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant toute sa vie contre tout mal. Et depuis le début de la prophétie, il avait protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les persécutions des polythéistes. Et concernant la mort de Abu Talib, il y a un hadith qui est rapporté dans, également dans Sahih al-Bukhari, dans lequel il est dit que lorsque la mort approcha de Abu Talib, lorsqu'il était sur le point de mourir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti le voir. Et il a trouvé auprès d'Abu Talib, Abu Jahl, la tête des polythéistes de la Mecque. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son oncle, Abu Talib, il lui a dit, « Oh mon oncle, dis la ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré en vérité à part Allah, une parole que je pourrais tenir comme preuve pour toi auprès d'Allah. » Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci à Abu Talib, Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya ont dit, « Oh Abu Talib, vas-tu désirer une religion autre que celle de Abdul Muttalib, ton père ?» Et ils n'ont cessé, Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya, ils n'ont cessé de parler à Abu Talib pour ne pas qu'il rentre dans l'islam. Jusqu'à ce que la dernière parole qu'il ait dite, Abu Talib, il a dit, je suis sur la religion de Abdul Muttalib. Et c'est ainsi qu'il est mort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'implorerai le pardon d'Allah pour toi tant que ceci ne m'est pas interdit. Et c'est par la suite qu'a été révélé le verset, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. C'est-à-dire, il n'incombe nullement aux prophètes et à ceux qui ont cru d'implorer le pardon pour les polythéistes, fussent-ils des proches, après qu'il leur soit apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Et également, dans cette histoire a été révélé le verset إنك لا تهدي من أحببت. Dans lequel Allah a dit dans la traduction rapprochée du sens, certes, tu ne guides pas celui que tu aimes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, peut-être que mon intercession lui sera bénéfique au jour de la résurrection, de telle sorte qu'il sera mis sur des braises de feu qui atteindront ses chevilles et par lesquelles son cerveau bouillira. L'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle Abu Talib, ce n'est pas une intercession pour le faire sortir de l'enfer, car c'était un polythéiste, ce n'était pas un musulman. Mais c'est une intercession pour amoindrir son châtiment. Car Abu Talib, tout au long de sa vie, a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même après la prophétie, malgré qu'il n'est pas rentré dans l'islam, il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a refusé de le livrer à ses ennemis qui voulaient le tuer. Et il disait aux gens que la religion de l'islam était la meilleure des religions, et que si ce n'était pas la crainte que son peuple le blâme ou ne le critique, il serait rentré dans l'islam. Donc ce qui a empêché Abu Talib de rentrer dans l'islam, c'est la crainte de la critique de son peuple et de leur blâme. Donc Abu Talib, qui était donc un des remparts qui empêchait les polythéistes d'atteindre ce qu'ils voulaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est décédé donc dans cette année, 10 ans après le début de la prophétie. Puis après cela, les persécutions et le combat que les polythéistes ont mené contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est amplifié. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc alléger la lourdeur du message sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là où a eu lieu l'événement du voyage et de l'ascension nocturne. Puis également, il y a eu la séparation de la lune. Puis un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, recherchant un asile et des gens pour l'aider à propager la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à pied vers la tribu de Thaqif, vers Taif, pour les appeler à l'islam. Mais ils ont refusé et ils ont ordonné à leurs enfants de lancer des pierres au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'ils ont fait saigner ses pieds. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril avec l'ange des montagnes pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il voulait que l'ange des montagnes replie sur eux les deux montagnes qui sont autour d'eux, Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé en disant qu'il espérait qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait faire venir de leur descendance des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul sans lui attribuer d'associé. Puis également sur son retour de Taif vers la Mecque, un groupe de djinns ont entendu la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la récitation du Coran par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont cru à son message, comme ceci est rapporté dans la sourate الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent: nous avons certes entendu un Coran merveilleux qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Et donc là, vous voyez également que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam était bien un message, avant tout, un message de tawhid, d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer Allah seul, sans lui attribuer d'associé. Car c'est la première chose que les djinns ont dit: nous avons cru à ce Coran et nous n'attribuerons aucun associé à notre Seigneur. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré donc les difficultés qu'il subissait dans la da'wa, dans la prédication, il n'a pas délaissé cela. Il n'a pas délaissé la da'wa et l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala malgré toutes les épreuves qu'il subissait. Et il se présentait pendant les rites du pèlerinage, il se présentait aux tribus et également dans les endroits de regroupement. Il se présentait aux gens en recherchant quelqu'un pour le préserver afin qu'il puisse transmettre le message de son Seigneur. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a assujetti un groupe de Médinois, des gens de Médine qui étaient venus au pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a présenté l'islam, puis ils ont accepté. Ils ont accepté son appel. Ils ont accepté ce à quoi les appelait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à savoir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans lui attribuer d'associé. Et ils sont revenus vers les habitants de leur ville, à Médine. Ils les ont invités à l'islam. Puis l'année qui a suivi, ils sont venus à nouveau, au nombre de 12 personnes, 2 parmi la tribu des Haus et 10 parmi la tribu des Khazraj. Et c'est là qu'eut lieu le premier serment d'allégeance de la Aqaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé avec eux Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu pour leur enseigner la religion. Et l'islam est entré dans toutes les maisons de Médine jusqu'à ce que vint l'année suivante 73 hommes et 2 femmes vinrent au Hajj pour prêter serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce fut le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba, qui est appelé l'Aqaba, la grande Aqaba. Ils ont prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le protéger comme ils protègent leurs enfants et leurs familles. Et également les femmes qui étaient là, elles ont prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le serment qui est cité à la fin de la sourate, Al-Mumtahina, l'éprouvée, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. C'est-à-dire dans la traduction rapprochée du sens des versets, au prophète, quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance en jurant qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, ni à la fornication, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu'elles ne commettront aucune infamie, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds, et qu'elles ne désobéiront pas en ce qui est convenable, alors reçois leur serment d'allégeance et implore d'Allah le pardon pour elles. Allah est certes pardonneur et très miséricordieux. C'est à partir de ce deuxième serment d'allégeance que commença une nouvelle ère dans l'islam. Car c'est à partir de ce moment-là où Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans d'émigrer vers Médine. Et donc le Shir ibn Baz, rahimahullah, il dit donc dans cette conférence à la suite de cela: وَلَمْ يَزَلْ صَابِرًا دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé d'être endurant en prêchant à Allah, حتى أمره الله بالهجرة إلى المدينة. Jusqu'à ce qu'Allah lui ordonna d'émigrer vers Médine. بعدما اشتد أذى المشركين له وللذين انقادوا لما جاء به عليه الصلاة والسلام. après que les persécutions des polythéistes se soient amplifiées vis-à-vis de lui et vis-à-vis de ceux qui ont suivi ce avec quoi il était venu, c'est-à-dire les musulmans. فهاجر إلى المدينة ومكث بها عشر سنين يدعو إلى الله. Et donc il a émigré à Médine. Il y est resté pendant 10 ans en appelant à Allah. ويعلم الناس شريعة الله. Et il enseignait aux gens la législation d'Allah. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il appelait à Allah et enseignait aux gens la religion d'Allah. Et il combattait dans le sentier d'Allah jusqu'à ce qu'Allah lui a accordé la victoire sur ses ennemis et que l'islam s'est répandu dans toute l'Arabie et que les gens sont entrés dans la religion d'Allah en masse. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort à l'âge de 63 ans en délaissant sa communauté sur une voie claire de jour, de nuit comme de jour. Nul n'en dévie si ce n'est une personne vouée à la perdition. Il n'existe pas un seul bien sans qu'il ne l'ait indiqué à sa communauté. Et il n'existe pas un seul mal sans qu'il n'ait mis en garde sa communauté contre ce mal. Que les prières d'Allah et le salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa anzala Allah alayhi al-Qur'an al-Azim, ba'dahu fi Mekka wa ba'dahu fi al-Madina. Allah a fait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le noble Coran. Une partie a été révélée à la Mecque et l'autre à Médine. وبينه للناس وارشد الناس الى ما دل عليه القران. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué aux gens, il a indiqué aux gens ce à quoi appelait le Coran. وبين لهم ما اوحى الله اليه في ذلك. Il leur a expliqué ce qu'Allah lui avait révélé dans cela. فان الله اعطاه وحيين. Car Allah lui a accordé deux révélations. Allah a accordé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam deux révélations. El Quran wal wahyu thani as sunnah. Ces deux révélations sont le Coran et la deuxième, la sunnah. Wan najmu idha hawa ma dalla sahibukum wa ma rawa, yani Muhammadan alayhi salatu wa salam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate l'étoile, Allah subhanahu wa ta'ala dit par l'étoile à son déclin, votre compagnon, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Fallahu awha ilayhi al-Qur'an wa awha ilayhi sunnah. Donc Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran et il lui a révélé également la sunna. Wa hiya ahadithuhu alayhi salatu wa salam. Et la sunna, elle concerne les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma bayyanahu lil ummati min shar'illah. Et ce que le prophète a expliqué à la communauté parmi la législation d'Allah. Fatalaqqa as-sahabatu radiyallahu anhum anhu hadha ad-din al-'azim. Din al-islam. Et donc les compagnons ont reçu de lui, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette noble religion, la religion de l'islam. Wa naqaluhu ilayna raddan tariyan. Raddan tariyan. Ils nous l'ont transmis. Les compagnons radiyallahu anhum ont reçu cette religion de lui, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion de l'islam, et ils nous l'ont transmise dans toute sa pureté. Wa hakadha naqalahu at-tabi'una 'ani as-sahaba. Et c'est ainsi que les tabi'oun, les suiveurs, l'ont transmise, tout comme ils l'ont prise des compagnons. Wa hakadha atba'u tabi'in. Et ainsi ont fait également les suiveurs des tabi'in, en transmettant ce qu'ils ont reçu des tabi'oun, des suiveurs. Wa lam yazal ahlul ilm yanquluna hadha al-ilm min jilin ila jil ou min qarnin ila qarn. Et les gens de science n'ont cessé de transmettre cette science de génération en génération et d'époque en époque, de siècle en siècle. وَيَكْتُبُونَ فِيهِ الْكُتُبَ الْكَثِيرَ. Et ils ont écrit là-dedans, dans la science de la religion, beaucoup de livres. يُوَضِّحُونَ لِلنَّاسِ دَعْوَةَ نَبِيِّهِمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمَا بَيَّنَهُ الْكِتَابُ الْعَظِيمُ الْقُرْآنُ مِنْ دِينِ اللَّهِ. Dans ses livres, ses savants expliquent aux gens la da'wa, le prêche, la prédication du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce que le noble Coran a expliqué de la religion d'Allah. C'est ici que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Et notez bien, dans cette dernière partie que j'ai citée de la conférence de Shir, que Shir dit que les compagnons ont reçu cette religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils l'ont transmise telle qu'ils l'ont reçue. Ils l'ont transmise aux tabi'in. Ils l'ont transmise à leurs suiveurs tels qu'ils l'ont reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de même les tabi'un l'ont transmise à leurs suiveurs, les atba' tabi'in, tels qu'ils l'ont reçu des compagnons. Et ainsi de suite, les gens de science n'ont cessé de transmettre cette religion de génération en génération et de siècle en siècle. Et de là, vous comprenez l'erreur de ceux qui pensent que dans la religion, il y a des autodidactes, des gens qui ont appris tout seuls. Ceci n'est pas possible. Celui qui apprend tout seul va tomber dans beaucoup d'erreurs. Ni les étudiants n'ont cessé d'apprendre la science. Les étudiants en sciences religieuses n'ont cessé d'aller apprendre la science auprès des savants qui les ont précédés dans la science. Et ces mêmes savants, lorsqu'ils étaient étudiants, l'ont appris des savants qui les ont précédés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à remonter aux atba' al-tabi'in qui, eux, l'ont apprise. Ont appris la science de la religion des tabi'in et les tabi'un. Ont appris cette religion des sahaba radiallahu anhum. Et les sahaba radiallahu anhum ont appris cette religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris cette religion de Jibril. Et Jibril alayhi salam a appris cette religion d'Allah. Et donc vous voyez cette chaîne de transmission divine, la chaîne de transmission de la science religieuse, qui est une chaîne de transmission divine, qui remonte jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, toute personne qui veut apprendre la religion doit aller l'apprendre auprès des gens de science, auprès des savants qui suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et de ceux qui les ont suivis convenablement de génération en génération. C'est ainsi que tu dois faire pour aller apprendre ta religion. La religion, tu ne l'apprends pas dans des forums sur internet, mais de la religion, tu l'apprends en allant étudier la science auprès des savants. C'est ainsi que tu évolues dans la science religieuse. Et malheureusement aujourd'hui, la nouvelle génération, les jeunes musulmans aujourd'hui, en France et ailleurs, vont apprendre leur religion sur des forums. Et ceci est une catastrophe. Car ceci coupe le lien entre le musulman et les savants. Et ceci coupe le lien de cette chaîne de transmission bénie et divine qui est la chaîne de transmission de la science religieuse de génération en génération. Les petits l'apprennent des savants qui les ont précédés. Et donc, une fois de plus, je fais ce rappel à mes frères et à mes sœurs de ne pas aller apprendre leur religion sur des forums internet. Car dans ces forums, tout le monde parle de la religion, l'ignorant, tout comme celui qui a des connaissances. Et celui qui débute ne peut faire la distinction entre un ignorant et quelqu'un qui a de la connaissance. Et il ne peut faire la distinction entre le vrai et le faux. Et donc c'est pourquoi nous ne devons pas revenir, pour apprendre et comprendre notre religion, nous ne devons pas revenir à ces forums qui ont dévasté Internet. Donc je vous exhorte et je vous conseille d'aller apprendre la science auprès des gens de science, non pas auprès d'ignorants ou d'inconnus ou de gens égarés. Ils sont très nombreux aujourd'hui. Les ignorants, les inconnus et les égarés qui parlent sur les forums internet et qui polémiquent sur les forums internet dans des questions qu'ils ne maîtrisent pas. Que les ignorants se taisent et qu'ils apprennent. Que les inconnus soient clairs dans la voie qu'ils suivent et qu'ils reviennent aux savants, et qu'ils apprennent auprès des savants, jusqu'à ce que les savants les connaissent et témoignent de leur connaissance, pour que l'on puisse avoir confiance en ce qu'ils disent. Et quant aux égarés, qu'ils reviennent à la vérité et qu'ils délaissent l'égarement, et nous ne détenons rien d'autre pour eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la guidée et la sincérité et la véracité. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين